CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan aujourd'hui à Assemblage requis. On accueillera une recrue, Laurent Constantin, sa chronique sur l'actualité du campus et d'ailleurs. Et on donnera l'étoile du match à notre joueur vedette, les instructions d'assemblage. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 9 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, une autre semaine qui commence, on se réveille un peu. Frisquement. Frisquement, mais en fait, c'est décevant un peu parce que c'est la première journée où je porte des pantalons aujourd'hui. Waouh! De l'automne. Puisque d'habitude, t'es en boxeur. Voilà. Si je regarde, tu l'attends, toi, est-ce que tu portes des pantalons? Mais depuis quand tu portes des pantalons? Depuis que le monde est monde. Depuis que je suis tout jeune. Je me rappelle quand j'ai porté mes premiers pantalons. Ah, c'est, il me semble que c'était hier. Donc, bienvenue à une autre semaine d'Assemblage requis. On est en direct, comme toujours, à partir de 7h30, du lundi au jeudi, avec Jean-Philippe et moi. Et on a plein de chroniqueurs qui se présentent tour à tour en studio. Et aujourd'hui, on accueille un tout nouveau chroniqueur, Laurent Constantin. Oui. Mm-hmm. Nouveau chroniqueur aux ondes Campus. Exactement. Aussi, c'est lui qui fait la chronique d'opinion style éditorial dans la section actualité. Mm-hmm. Il va venir nous jaser de ça tout à l'heure. Sinon, aussi, aujourd'hui, on va recevoir ce qu'on appelle un ufologue. Oui. C'est un gars qui aime les ovnis, qui explore les ovnis, qui enquête sur les ovnis. On va découvrir ensemble. Il est là pour, je pense, nous parler de sa conférence qu'il va donner au courant de la semaine ou la fin de semaine, là, si ma mémoire est bonne. Intéressant. Sinon, on va aussi avoir la chronique Les instructions d'assemblage. On l'a fait jeudi dernier. C'était bien le fun, mais il nous en restait. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. Ah oui. Parce qu'on a besoin de remplir les trous. On va écouler le vieux stock. Exactement. Tout doit partir. On vide le backstore. Dans les prochaines semaines, les lundis, on accueillera aussi Maxime Tanguay avec une nouvelle chronique musicale, mais c'est pas aujourd'hui. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, commençons en musique. On s'en va entendre un petit peu de Mauve. Oui. Et commençons avec leur extrait Rebousser les Indes. Oui, puisque c'est le temps du blé d'Inde. Hein? Beau lien, Mathieu. Beau lien. Oui, ben merveilleux. C'était voulu. Oui, évidemment. Crémeux. Crémeux de blé d'Inde. Crémeux en canne. Crémeux en canne. Un petit mélange, le normal, puis le crémeux ensemble. Ça fait l'unanimité, ça. Et voilà. Voilà. C'est un assemblage requis. Tous ces horizons. Beatles, non, c'était Rebousser les Indes, hein, ça? Ben, je suis sûr, on dirait. C'est ben con, non. Hein? Mais il me semble que ça disait pas mal Beatle T-Bird, fait que d'après moi, c'est Beatle T-Bird, la chanson. Ouais, je pense que c'est ça, moi. Mais je m'en suis pas rendu compte. Non, c'est le CD au complet, Rebousser les Indes. Mais tiens, gars, je te le redonne, puis tu mets dans sa boîte. D'accord. Merci. Donc, oui, toujours Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces attachées. On a l'air un petit peu de pas trop savoir où on s'en va, mais on sait très bien où on s'en va. On a plein de choses prévues pour vous. On va faire des heureux plus tard dans l'émission en vous donnant un dictionnaire, le Petit Robert 2014. Ah oui? Ben oui. C'est excitant, ça. Ben moi, je trouve ça excitant. C'est le Ça vaut quand même cher, hein? Je pensais pas que ça valait... C'était si dispendieux encore, les dictionnaires. Ça vaut dans les... Il me semble que c'est trois quarts de centaines de piastres. Là, dans oui, ces coins-là. C'est dans ces coins-là, oui. Ces coins-là. Puis dire que nous, on te donne ça gratuit. Hey! Oh, wow! C'est quoi, là? Ça va être avant 9h30. Et voilà, avant 9h30, c'est la fin de l'émission, c'est évident. Ben oui, évidemment. Ouais. On va aussi parler, comme on l'a dit, avec un ufologue. Donc, on va parler d'extraterrestres devenus tout à l'heure pour une conférence qui s'en vient dans les prochains jours. Ça s'en vient, ça aussi. Puis un petit bloc un peu plus cowboy, comme on pourrait dire, hein, dans le jargon. Puisque, ben, comme j'imagine les gens le savent, c'est le festival Western en ce moment. Donc, on va faire une petite récapitulation peut-être de la première fin de semaine, puisque j'y ai été. T'étais présent et on va jouer de la musique un petit peu style country western, mais pas nécessairement ceux qui sont présentés au festival de Saint-Tite. Non, demeurons fidèles à notre style. Exactement, c'est notre mission. Mais pour l'instant, tiens, on va retourner déjà en musique et entendre encore un petit peu de francophone. Et je vous ai réservé une petite pièce qui nous provient du groupe La Question. Mm-hmm. Est-ce que tu peux deviner? Non. Le titre? Non? Peut-être. La pointe de l'iceberg un peu? C'est ça. La prochaine fois, dis-moi Titanic. M'a flashé tout de suite. Je vais mettre mes bras sur le bord en croix de même. Ouais. Je suis maître du monde. Roi du monde. Roi du monde. Roi du monde. Ouais. Drag queen. Puis moi, je vais jouer du violon. Pendant qu'on coule. Ah. Derrière les routes que l'on emprunte, nos amours échoués, passion défunte, derrière les histoires que l'on raconte, et toutes les autres qui nous font construit, et la raison les détruit. Derrière nos réflexes, nos instincts nous poussent souvent un peu trop loin. Il y a ce que nous sommes. Thank you. que nous sommes. Vous me voyez que le minimum. La pointe de l'iceberg. De la question. Oh oui, à oh, sondage requis, 7h47 du matin. Oui, ben oui. Si on était le soir, on serait vraiment mêlés. Je sais pas, il y a tellement de reprises, c'est fou, on sait plus qu'est-ce qu'il y a le matin, qu'est-ce qu'il y a le soir. Dans quelques minutes, on parle avec un ufologue. Oui. On en a parlé quelques fois, on est très très curieux de savoir ce qu'il y a à nous dire. Oui, j'ai hâte de voir. Et penses-tu, toi, que quand un vaisseau arrive, ça fait de la boucane? De la boucane, oui, peut-être. Les oui, je sais. c'est rentré dans mon crâne. C'est de oh, l'album. Oh, crâne, ça va. Ah, oui! Shawinigan. Des Indiens. Oh oui, à Assemblage requis, il est à 7h52. On a un invité, Jean-Philippe. Oui, donc on va parler avec le docteur Pierre Gilbert, donc qui est là pour nous faire un peu la promotion de sa conférence. Monsieur Gilbert, bonjour. Eh bien, bonjour. Bon matin, tout le monde. Vous allez bien? Très bien ce matin. Oui, bon, ben excellent. Est-ce que, c'est ça, pouvez-vous nous présenter un peu qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que vous faites en fait là, comme conférence? Alors écoutez, c'est une conférence qui aura plusieurs volets, mais dont tous sont axés sur un thème central. C'est un changement majeur qui s'en vient sur notre société, un changement programmé par une élite que je parlerai là-bas, une élite d'hommes sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Et ensuite de ça, je vais essayer de mettre en évidence ce qui arrive actuellement au Moyen-Orient avec la Syrie. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Parce que je vais m'inspirer à la fois des nouvelles internationales et des nouvelles qui sont hors des médias officiels. Et également, je vais m'inspirer de ce que la Bible nous dit, ce qui va arriver. Je parle plusieurs années que j'ai investigué à peu près toutes les religions, puis il n'y en a aucune qui correspond vraiment à la parole de Dieu, à la Bible, et puis les scientifiques ont essayé de détruire la Bible, ils se sont rendus compte qu'elle était vraie partout. Je vais vous donner un exemple, par exemple, je vous parlerai d'Ésaïe 17, qui nous dit que Damas va être détruit, mais ils sont après détruits actuellement. D'Ésaïe 19, qui nous dit que l'Égypte vont se... les citoyens de l'Égypte vont se tourner entre eux, l'un contre l'autre, bien ça se fait actuellement. Alors, il y a plein de choses comme ça. Ensuite, nous allons parler d'Israël en tant que horloge de l'humanité et je vous expliquerai au public ce que c'est que voir Israël comme horloge de l'humanité. Je vais vous parler d'un phénomène qui est assez peu parlé, c'est les ovnis. Et je vais vous apporter des photos, des DVD, des personnalités de ce monde scientifique qui nous disent qu'il faut qu'on se prépare parce que les ovnis, c'est quelque chose de vrai. La Chine a dit aux citoyens américains au mois de mars, et puis la Russie a fait pareil, dites à vos gouvernements de vous dire ce qu'il y en a des ovnis. Alors on va mettre ça en évidence, on va parler en même temps de la nanotechnologie, le transhumanisme qui est à l'horizon, et on va vous parler des champs magnétiques également qui se font sentir. En fait, c'est de l'astronomie et non de l'astrologie, il faut s'entendre. Et puis, c'est quoi un peu la différence entre les deux, juste pour situer les gens? Bien sûr. Ben, l'astronomie, c'est basé sur du vrai, c'est les astres qui sont là. Comment la mécanique céleste, la mécanique de nos planètes autour du Soleil. J'ai un spécialiste qui va venir là-dessus. Et puis, ensuite de ça, l'astrologie, c'est des sciences occultes, des à peu près, votre vie dépend de quel âge que vous êtes. Écoutez, ça, j'ai rien à voir avec ça, moi. OK. Et évidemment, ensuite de ça, on va parler d'un phénomène que les gens ne savent pas, la préparation d'un gouvernement mondial avec un dictateur international et qui se sont prêts à réduire les populations par des modes que vous connaissez peut-être, mais ils ont une nouvelle technologie. Ils veulent ramener les populations à 500 millions sur cette planète, alors que nous sommes 7 milliards. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Non. Et ensuite, non. On va vous parler d'une découverte qui s'est faite par le pasteur Mark Biltz, une espèce de juif scientifique qui est chrétien. On les appelle les juifs messianiques. Il demeure à Washington et qui a découvert sur les sites de la NASA une tétrade, c'est-à-dire que il va y avoir, en 2014 et 2015, il va y avoir des éclipses solaires et des éclipses lunaires au même jour qui vont se répéter deux années consécutives. C'est arrivé 6 fois depuis 2000 ans et c'était toujours en fonction d'Israël. Et on sait qu'Israël est dans un problème assez sérieux actuellement. On va démontrer comment, par exemple, les écritures bibliques ont été soumises à l'œil scientifique pour essayer d'y trouver des défauts. Et au contraire, on a découvert, par le docteur Yvan Panin, surtout professeur de mathématiques à l'Université Harvard, qui a découvert que la Bible n'a pu pas être écrite par des hommes, avec la main d'homme sûrement, mais avec une connaissance qui vient d'une autre dimension. Alors, j'expliquerai ces choses-là à ce moment-là. Et je voudrais vous signaler que le grand public est invité. Il n'y a pas de coût d'entrée. Parce que c'est trop important, je suis actuellement dans une tournée, je m'en vais à Paris ensuite, je m'en vais à Genève, je m'en vais à Nice, ensuite ce sera à Fribourg. OK. Et puis, alors voilà, ça fait 20 ans que je donne des conférences comme ça, un peu sur la planète. Je vais en Guadeloupe, en Martinique. Et celle-ci, je pense que c'est certainement à cause des événements de ce que j'annoncerai, probablement ma dernière conférence. Okay. Bien sûr que j'ai un peu d'âge, je commence à être fatigué, mais il y a d'autres raisons également. Et le public est invité, puis ces deux conférences, ça se fait dans l'après-midi et la soirée. Et la vraie option, comment dirais-je, la vraie conclusion, elle se fera le soir. Il faut que le peuple sache ces choses-là. Elles sont cachées. Et écoutez, juste hier seulement, je disais que le crash financier est prêt, un crash international. Il ne faut pas croire que ces choses-là arrivent par hasard, c'est voulu. Je vais démontrer ces choses-là. D'ailleurs, sur le site de pleinfeu.org, il y a là 10 DVD qui m'ont pris 10 ans à faire et puis qui se vendaient autrefois et maintenant ils sont gratuits et les gens ont accès à cette information qui m'a pris des années de recherche, 30 ans de recherche pour arriver à ces conclusions et puis vous les avez gratuitement. OK. Ah. Et puis vous avez dit tout à l'heure que c'était un événement qui s'adressait au grand public, donc on n'a pas besoin d'avoir une connaissance et c'est pour... On arrive là, mais disons, moi, je connais, vous dites des termes, des fois, je suis peut-être un peu moins à l'aise avec ces termes-là. Moi, je pourrais me présenter là et je serais capable de comprendre, suivre votre discours et tout. On m'a toujours dit que j'étais un très bon enseignant. Alors, je vulgarise les choses, je les mets à la portée de qui veut bien ouvrir ses oreilles un moment. OK, excellent. Et puis, vous dites que ça fait 30 ans que vous faites des recherches. Ça a commencé comment, un peu, cette je ne sais pas si on a passion ou intérêt-là envers un peu ce phénomène-là? Écoutez, je ne m'attendais pas à ce que vous me posiez cette question. Ah. Voilà, j'avais 10 ans et déjà, je découpais sur les journaux tous les articles qui s'intéressaient à la fin du monde. Okay. Alors que le public soit, rassuré, nous ne sommes pas à la fin du monde. Elle ne viendra que 1000 ans. Tombez pas sur le dos, là. Je sais que beaucoup vont être surpris, mais entre vous et moi, les religions n'ont pas donné leur juste non plus. Ce que je vous disais, c'est que la fin du monde viendra 1000 ans après le retour physique de Jésus. Et je vais démontrer qu'il y a 27% de la Bible qui est prophétique. Et si Jésus ne revient pas dans la Bible, la terre explose. Vous savez bien que l'homme est très, très intelligent, mais très peu sage. Il y a environ 20 000 missiles qui contiennent des ogives nucléaires qui sont prêts à partir dans le monde. Alors, un jour ou l'autre, ça va arriver. Mais ce jour-là, la parole de Dieu et puis la situation géopolitique dans le monde, économique, spirituelle, si vous voulez, les gens sont tous incroyants aujourd'hui. Et c'est arrivé dans le passé que les gens étaient incroyants. Il y a eu le déluge, et je vais démontrer que le déluge a eu lieu. Je vais démontrer que la Bible nous dit dans Genèse 6 qu'il y avait des géants sur la terre. Je vais vous montrer les squelettes, ça a été caché, ça. Les squelettes de 20, 30 pieds de haut, ils sont là encore. Je vais vous montrer qu'il y a eu un monde pré-adamique ou entre Adam, en tous les cas, puis le déluge. Et on va le montrer avec les pyramides qu'on trouve partout sur la planète Terre. Moi, quand j'étais jeune, je croyais bien que les pyramides ne se trouvaient qu'en Égypte. Mais juste aux États-Unis, il y en a 200. Et puis, il y en a partout, en Amérique du Sud, il y en a partout. Les mystères se dévoilent. Il y a un verset dans Luc 12, 2 qui nous dit qu'à la fin des temps, tout ce qui est caché sera révélé. Je pense que beaucoup de choses sont révélées maintenant. Il y en a un autre dans Daniel 12, le verset 4, qui nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance allait augmenter entre vous et moi, vous qui êtes à l'université. Alors, augmentez la connaissance, n'est-ce pas? Oui. Alors, écoutez, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, sauf que je pense que le public a intérêt à être là. C'est sûr que si vous amenez un enfant de 10 ans avec vous, je vous conseille de le laisser... À la maison. C'est quand même pour les gens qui ont un minimum de maturité, les gens qui ont vécu, qui voient clair un peu. Et je vais compléter les observations qu'ils ne peuvent compléter s'ils n'ont pas une connaissance raffinée de ces choses. Je suis un amateur de ces choses depuis toujours. Et puis, je viens de recevoir environ 60 DVD qui viennent des conventions américaines sur le sujet. Bien sûr que c'est plus qu'intéressant, mais en même temps, c'est nécessaire à savoir parce que la vie sociale telle qu'on la connaît, on a du confort ici, mais malheureusement, il y a deux nouvelles à l'horizon. Voulez-vous la bonne ou la mauvaise? Ah ben commençons par la bonne, puisqu'on est le matin. Il y a une chose extraordinaire qui s'en vient. Il y a un monde nouveau qui va naître prochainement, avec la connaissance, et puis ce sera la fin des guerres, et ainsi de suite. Mais ça ne se fera pas par l'intermédiaire de l'homme. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'en va vers la Troisième Guerre mondiale. Elle est inévitable. Bon, ben excellent. Donc, on pourra pouvoir suivre ça à vos deux conférences. Est-ce qu'on peut rappeler un peu le lieu et, dans le fond, ça c'est quand? D'ATR. Oui. Ben oui, tout le monde connaît où est le moulin papier, la Kruger. Oui. Alors, c'est juste en face, l'hôtel L'Urbania, l'autre bord de la rue, juste en face. C'est samedi le 14 septembre et c'est à 1h de l'après-midi parce que celui qui va faire... l'astronomie, il va commencer vers 1h, et puis ensuite de ça, mais je viendrai moi en conférence. C'est la première fois que je donne une conférence aussi généreuse en item, en thème, mais je pense que c'est urgent que le monde le sache. Alors c'est samedi, midi, et puis samedi soir également. Il y a déjà plein de restaurants autour pour ceux qui vont rester à souper avec nous. Oui, c'est quand même bien situé là, dans le centre-ville. Donc, on le répète, c'est le 14 septembre à midi à l'hôtel L'Urbania, là, en face de Kruger, là, l'entreprise Kruger voilà. De papier. Donc, excellent. Donc, ben, merci, monsieur Dr. Gilbert. Pardon. Oui, c'est ça. Écoutez, je l'ai dit avec connaissance que c'est en face de l'usine Kruger parce que moi, je suis un ex-tréfuvien. Ah ben voilà, donc quelqu'un qui connaît quand même bien la place. N'est-ce donc on se revoit le samedi le 14. Donc merci monsieur Gilbert d'avoir été là ce matin avec c'est nous. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Donc docteur Pierre Gilbert, ufologue à qui on parlait en fait ce matin à Assemblage requis. Merci encore à lui. Désolé pour la qualité du son en passant avec le gros... Ben oui, quelque chose qui s'est passé avec notre ligne, j'imagine. On est possédé. Ben oui. Donc voilà, on va terminer ici pour cette partie d'émission. On vient dans quelques minutes avec plus tard Laurent Constantin, entre oui. autres. C'est... Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. L'identification de station était particulièrement appropriée après l'entrevue. Oui, tout à fait. Ça faisait un drôle de lien entre les deux. C'était parfait. Zone 89.1. Ouais. Tout à l'heure, on va parler en fait du dictionnaire Le Petit Robert. On a des dictionnaires à vous faire gagner. On en a appelleté. Appelleté à caisse. On a des caisses. Mais pour l'instant, je pense qu'on a besoin de musique un peu. Oui, se détendre le matin. Puis essayer de faire partir cette grosse voix rauque qui est la mienne ce matin. Tu vas nous parler de ce qui t'est arrivé en fin de semaine tantôt, quoi? Ah ben non, moi je sais pas depuis quand j'ai ça, là, mais mettons que ça n'a pas aidé. Ouais. Bon. Donc pour l'instant, Zeus. Oui. Avec The Bad of El Gouda. Au 89 FM, vous êtes à Assemblage Rookie. Years ago, my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard at times like now to hold on. My guns, they wait to be stuck by, and at my side is God. No one going to turn me round. There ain't no one going to turn me round. There's people round who tell you what they know. turn me round. But ain't no one gonna turn me round. But ain't no one going to turn me round. Been built up and trusted. Busted. They'll get theirs and we'll get ours if we can. Just hold on, hold on, Ballad of El Gudo. C'est par la formation Zeus à Assemblage Requis. Et maintenant, ben tiens, il est 8h12 minutes, Jean-Philippe. Oui, exactement. Et les cours vont bientôt commencer. C'est à quelle heure ça commence, ça? Et demi. Et demi, ben ça commence. Ça dépend là. À quelle heure tu te lèves, mais d'habitude, officiellement, ça y est une et demie. OK, parfait. Ben ça ouais. Va bien tomber parce qu'on reçoit la porte-parole des éditions Le Robert, Marie-Hélène Drivo. Donc, je lui ai parlé un petit peu plus tôt dans nos studios. Donc, bonjour, Madame Drivo. Bonjour. Donc, évidemment, la première question, la langue change d'année en année. Et comme toujours, bon, le petit Robert se tient à la page. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de mots qui se sont ajoutés pour l'édition 2014? Eh bien, écoutez, j'ai eu l'occasion ici de tendre l'oreille et j'ai entendu que beaucoup de gens employaient le verbe texter. Eh bien, vous allez le retrouver dans le petit Robert. Je viens de voir une publicité là, à l'instant, pour une chaîne de téléphone, je crois qu'il disait profiter d'Internet en itinérance. Eh bien, itinérance, vous allez également le trouver dans le petit Robert. Tous les amis qu'on peut avoir, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, vous allez trouver ce sens également. Et puis, vous allez trouver des nouvelles spécialités alimentaires qui font partie de notre quotidien maintenant, comme les dim sum. J'ai vu que beaucoup de restaurants asiatiques en servaient ici. Le boson de Higgs qu'on vient de découvrir, eh bien, il est dans le petit Robert également. Le langage plus commun au Québec est toujours aussi important dans le petit Robert. Quel mot ou expression vraiment typiquement québécoise est-ce que vous avez ajouté au dictionnaire? Alors, je pense que le chialage existe ici comme partout. Les patenteux, les traîneux, les traîneries. Vous avez le cadran aussi au sens de réveil matin. Tous les matins, il faut bien mettre le cadran. Hein. C'est pas drôle. Le printemps érable qui a été médiatisé dans le monde entier. Les enveloppes brunes. Ça aussi, je viens de le voir dans le journal de ce matin. Et je vois que nous avons de bons informateurs puisque c'est dans le petit Robert. Justement, vous parliez du mot patenteux, il y a aussi gna gna gna et boculotte, donc vraiment rien d'hors limite côté langage québécois familier. Oui, il y a également le verbe bourrasser qui nous a été proposé par Fred Pellerin. Oui. Il nous a envoyé une petite liste de québécismes, pas des mots qu'il avait inventés, hein, parce qu'il en invente beaucoup, mais des vrais mots. Et dans cette liste, nous avons retenu le verbe bourrasser. Ben justement, c'est ça, Fred Pellerin qui fait la promotion du Petit Robert dans cette vidéo-là avec le titre bourrasser. Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût de cette vidéo-là et dire aux gens comment aller le regarder? Oui, ben on va vous envoyer le lien. C'est vrai que Fred Pellerin, on l'a rencontré l'année dernière et il avait fait une petite vidéo sur un terme qu'on avait ajouté l'année dernière qui l'avait bien inspiré, qui est bobette. Et quelques personnalités québécoises, justement, dont Fred Pellerin, font leur entrée dans le Petit Robert des noms propres cette année. Voilà, donc vous avez le Petit Robert en français et le Petit Robert des noms propres, donc qui est consacré qu'aux noms propres, comme son nom l'indique. Et vous allez trouver donc Fred Pellerin, mais également une personnalité politique comme Pauline Marois, hein, c'est tout à fait normal. Des écrivains comme Jeannette Bertrand ou Marie Laberge, des grandes figures scientifiques comme Armand Frappier. Également Yann Martel avec son histoire de Pi, son roman fantastique qui a été adapté au cinéma récemment. Justement, comment est-ce que vous faites pour déterminer qui va être ajouté? Est-ce que c'est en termes de longévité, de popularité? Oui, ça entre en ligne de compte et aussi donc le caractère important de l'œuvre qui fait que ces gens vont marquer l'histoire par leur œuvre, par leurs travaux et qui ça nous assure quand même une certaine pérennité. Hein. On n'ajoute pas des personnes comme ça pour les retirer l'année suivante. Hein. Donc, on fait une sélection assez sévère hein, pour être sûr que ces personnalités sont importantes et vont marquer l'histoire. Mmh. Et c'est justement ces gens-là qui sont dans le Petit Robert des noms propres, qui est un ouvrage à part entière. Donc, il n'y a pas de nom propre du tout dans le dictionnaire Petit Robert normal. Non, pas du tout. On a tellement de choses à raconter sur chaque mot qu'il nous faut un gros volume entier. Oui. Et dans la famille Robert, il y a aussi le Robert illustré. En quoi est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il remplace ou complète le Petit Robert? Il est différent, vous avez raison. C'est une encyclopédie. C'est-à-dire que dans ce dictionnaire, vous allez trouver des mots de la langue, évidemment, mais également des noms propres. Tout ça interclassé dans la même liste, donc c'est très facile pour la recherche. Et vous allez y trouver aussi de très nombreuses illustrations. Et c'est un dictionnaire qui a été conçu depuis le départ pour être bimédia, c'est-à-dire que vous avez le dictionnaire papier classique tel que vous le connaissez, mais vous avez également sur la couverture une petite clé USB. Cette petite clé va vous permettre de vous connecter la première fois et de vous inscrire sur un site. Et après, vous aurez accès pendant 4 ans au dictionnaire Internet, donc qui reprend le dictionnaire papier, mais évidemment avec beaucoup de suppléments numériques, des dossiers thématiques, une chronologie, un atlas interactif. Et cette année, nous avons même tiré parti d'une autre facette très intéressante, puisque nous avons ajouté 100 vidéos tirées d'archives cinématographiques et qui vont vous permettre de revivre tous les grands événements du XXe siècle depuis l'invention du cinéma, parce que vous allez trouver aussi le premier film tourné par les Frères Lumière, par exemple. Wow, très intéressant. D'ailleurs, c'est ça pour la version numérique, le Petit Robert et le Petit Robert des noms propres sont en version numérique aussi. Mais même si vous en achetez qu'un seul, si vous achetez l'un ou l'autre séparément, vous allez avoir accès aux deux numérique, pendant un an au site des deux. Donc c'est un très beau cadeau, hein, puisque même si vous achetez que le Petit Robert en langue française, vous aurez accès au Petit Robert des noms propres dans sa version numérique. Excellent. Vous offrez aussi une application iPad. Oui. Parce que maintenant, c'est vrai que nos lecteurs veulent pouvoir consulter leur dictionnaire n'importe quand, n'importe où. Et donc, ce qui concerne le Robert illustré, c'est très facile. Il y a une petite application donc pour les tablettes et pour les téléphones intelligents. Tout à fait. Le futur des dictionnaires dans le monde, c'est sûr que le papier est de moins en moins populaire. Donc, qu'est-ce qui est le futur pour le Petit Robert? Bien, les dictionnaires papier, peut-être, vont un petit peu laisser la place aux versions numériques, oui, mais l'utilité de l'objet dictionnaire se maintient complètement, puisque à l'ère d'Internet, il est très important d'avoir des informations émanant de spécialistes, des informations exactes, précises, fiables. Parce que si on laisse des jeunes, par exemple, chercher sur Internet, ils vont trouver tout, n'importe quoi, des informations souvent erronées et surtout beaucoup trop abondantes qui vont les noyer complètement, ils ne vont pas savoir quoi choisir, ils n'ont pas besoin de tout ça. Donc c'est très important de s'habituer à consulter un ouvrage de référence et là, ils vont trouver des informations de qualité. écrit par des professionnels, bien sûr. Est-ce que vous pensez que la version numérique va devenir la chose que vous allez vendre le plus et le papier va être un à côté ou une option à prendre dans le futur? Mais vous savez, dès qu'une nouvelle invention arrive, on se dit, ah là là, ça va faire table rase de tout ce qui existait. Mais vous, la télévision n'a pas tué la radio, hein, la preuve, hein. Puisqu'on est en train de faire une émission de radio. Donc, ça va faire bouger un petit peu les usages, mais le papier, surtout pour un ouvrage tel que le dictionnaire, je pense que ça va rester, heureusement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Marie-Hélène Drivaud. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. C'était mon entrevue avec la porte-parole des éditions Le Robert, Marie-Hélène Drivaud. Nouvelle porte-parole des petits Robert. C'était pas la même l'année passée, l'autre d'avant. Non. C'est toujours moi qui fais cette entrevue-là, donc je commence à les connaître personnellement. Sur le bout de ma... C'est ça. Si j'avais un dictionnaire pour trouver ces mots-là, peut-être que ça m'aiderait un peu, n'est-ce pas? Ben peut-être que si t'appelais... Hein, tu pourrais gagner un dictionnaire. Je pense que dans les petits caractères, ça dit pas les employés de ces fous. Non, je pense que c'est marqué ça. Mais écoute, on pourrait en faire tirer un tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée. À cette heure-ci, là, je pense que c'est un bon moment pour faire tirer un petit Robert 2014. Donc, 819-376-5183-376-5183. On fait tirer un petit Robert 2014. Et voilà, c'est pour les gens qui nous écoutent là en direct. On est lundi 9 septembre, 8h19. Exactement. Ouais. En attendant... Bravo Funkin. Oh, j'aime ça. C'était mis à crier. Oui! Des mots j'ai gagné! C'est ça! Bingo! Oui, ma carte est pleine. Ben oui. Mon nez aussi. Faut que je me mouche. Les pilotes. 819-376-5183. Pour un petit Robert 2014. Et New Believers à Assemblage Requis. C'était bon, oh c'était oui. Et on en profite pour féliciter Geneviève Paradis qui a gagné un dictionnaire 2014. Oui, encore la musique avec ta voix. Ben écoute, ça vient. Ça... Un peu comme... Ah, commence pas des affaires de sexe ce matin. Ben non, ouais, 8h30. Ben trop de bonheur pour ça. Donc, on parlera tantôt de ta fin de semaine au Festival Western. Oui, ben en fait, plus une soirée. Plus soirée. Fin d'après-midi, soirée. D'accord. Et on aura aussi Laurent Constantin plus tard avec sa chronique sur l'actualité. Puis sûrement un autre dictionnaire à faire tirer. Oh, ben Colin, on est fin. On les gâte, nos auditeurs. Mais pour l'instant, tiens, on va passer en pause, puis on vient juste après. C'est bon? Oh là, ça me va. Bien. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 9 septembre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. C'est le fun, ça m'a permis de me gratter à la gorge. OK, ben c'est toujours du bien. Oui. C'est un petit peu de miel dans de l'eau chaude, hein? Oui. Il y en a qui conseillent du rhum, mais je trouve ça trop tôt ce matin. Oui, il y en a qui conseillent des femmes et la bière, nom de Dieu! dans quelques minutes, Laurent Constantin, sa chronique sur les actualités du campus et d'ailleurs. Mais avant ça, on s'en va entendre un groupe ou une formation? Une groupation. Ah, oh, ben oui, c'est ça. Un ensemble de gens. Une vocation, voilà. C'est un groupe de la région qu'on appelle fièrement parce que c'est leur nom, faut le croire, donc faut les appeler comme ça dans ce temps-là. C'est nos amis de... Colin, attends un peu, je l'avais juste là. C'est... Colin, c'est Bradycardie. Ah oui! C'est si simple que ça. Bradycardie. C'est dans l'autre courriel, c'était pas écrit pente. donc, ils vont faire un lancement le 19 septembre à la salle Francis Brisson et de Grand-Mère. Et le 8 octobre au Gambrinus de Trois-Rivières, les extraits, les voici avec le nouvel extrait Supernova. Oui! Mélange dans mes mots. Ah! Oh, pardon. Oui. Supernova, je m'éclate sans éclat. Je suis Supernova de la formation locale Bradycardi, B-R-A-D-Y-C-R-D-I-E. Pour ceux qui se le demanderaient, non moins. Genre, maintenant. Très bon, formation locale. Et on rappelle leur lancement qui a eu lieu le 19 septembre à la salle Francis Brisson de Grand-Mère et le 8 octobre au Gangrenus de Trois-Rivières. Oui, à ne pas manquer, moi je vais être là. Ben, c'est justement, on va mettre ça dans, rajoute ça à ton agenda. Oui! Philippe qui jouait du... de la gorge. Il parlait de sa chanson, c'était chic. Ouais, c'est beau ça. Donc, Jean-Philippe, t'as passé une soirée au Festival Western de Saint-Tite en fin oui, de semaine? Oui, exactement. Puis je pense que, ben écoute, ça n'a pas dû aider puisque j'avais déjà un petit début de rhume. Tu sais, je pensais m'en sortir en fin de semaine en me reposant comme il faut. Et puis, je suis allé samedi. Donc, on est parti de Trois-Rivières vers 5 heures. C'est quand même une bonne heure de route, Saint-Tite. Oui. Et puis, à cheval, c'est encore pire. Fait. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis en carrosse, fait que là, avec tous mes lingots d'or et tout. Là. Mais donc, une bonne heure, c'est ça, de route. Et puis, il y a eu une, tu sais, pas une grosse pluie, mais une petite averse qui gosse. Ouais. Donc, juste une petite pluie fine qui tombait par là. Je me suis acheté un petit poncho. Un poncho? Oui, à ce moment-là, les petits ponchos se vendaient comme des petits ponchos. Et puis, écoute, tout ce qui restait, c'était des roses. Donc, moi et mon ami, on était en poncho rose. C'était de toute beauté. C'était que vous deux? En fait, on s'en allait rejoindre du monde. Okay. Donc, le temps qu'on les retrouve, puisque le site est quand même très grand. T'sais, Saint-Tite, c'est pas grand, mais le festival est partout dans Saint-Tite. C'est un Saint-Tite-Ville? Oui, Saint-Tite-Ville. Saint-Tite-Ville. Ah, et bonne aussi. Ah, merci. Je vais noter l'heure. Et puis, donc c'est ça. Donc, je pense que j'ai pris froid, puisque bon, ça a duré peut-être gros max une heure, la pluie. Et puis, après ça, ben, la fraîcheur est tombée. Et puis, ben, là, ben voilà, j'ai dormi les pieds mouillés en plus. Donc, ça me fait une belle congestion là, ce matin, en ce lundi matin. Là. C'est charmant. Oui, ça fait mon petit charme. Charmant. Donc, ben, c'est ça. Je sais pas si tu es déjà déplacé au festival de Saint-Tite. Jamais. Je sais même pas ce qu'ils font, là. Mais écoute, c'est assez spécial comme ambiance. C'est vraiment comme le Far West, je trouve. C'est le meilleur terme pour décrire ça. C'est le Far West. Dans le fond, t'arrives là. Tu peux faire ce que tu veux. Vraiment, là, t'as des gens qui se promènent en boisson. T'as des gens qui se promènent avec leur boisson. Il y a des gens qui fument. Il y a des gens qui sont à cheval. Il y a des gens qui sont en moto. Wow. Donc, c'est assez rock'n'roll. Moi, je trouve l'ambiance complètement hallucinante. C'est rare qu'on voit ça. C'est vraiment un laisser-aller. Là. Fais ce que tu veux. On profite en masse des kiosques. Et puis c'est ouais, ça, des kiosques donc de nourriture, de vêtements, de chapeaux, de cuirettes, de cuir, de tout ce que tu veux. Dans le fond, il y a même des trucs africains. Au Festival Western de Saint-Tite, tu t'entends pas à ça, mettons. Non, c'est ça. C'est assez surprenant, mais bon, tu peux te refaire une petite déco, si tu veux, en passant par là. Et puis, ben, je te dirais que le gros de l'événement, c'est une chose que j'avais pas de billet pour y aller. C'est gratuit, en passant. Tu vas dans la ville, tu te promènes, c'est gratuit. Au complet, je pense qu'il y avait une entrée dans la ville. Okay. Oui, donc c'est ça. Il n'y a pas d'entrée, sauf que si tu veux avoir accès aux différents chapiteaux où il y a un chansonnier, danse en ligne, etc., oui. Ça te prend ton laissez-passer qui est en forme d'étoile de shérif. Donc, l'idée est quand même très, très bonne. Ouais. Et puis, c'est au coût de 5$. Après ça, tu as accès à tous les chapiteaux pour, en tout cas, les deux semaines du festival. Et puis, sinon, la seule autre chose, ben là, je dis autre, la seule autre, mais il y en a sûrement d'autres, là. Mais l'autre chose payante, c'est les rodéos. Donc là, je me suis pas prémuni là, d'un billet pour aller voir ça. Mais c'est l'affaire que tout le monde va aller voir. C'est très gros. Là. Pour de vrai, tu penses oh, un petit rodéo, là, ça va être une petite salle, c'est juste à Saint-Tite. Non, c'est immense. L'arène qui est là-dessus, quand ça part, il y a des feux d'artifice. C'est vraiment... C'est big. Est-ce que t'es passé voir? Est-ce que t'es allé rodéo autour? Oui. 838. Oui. Merci de la noter. Et puis, donc c'est ça. Donc, écoute, j'ai pu faire quelques découvertes assez intéressantes. Donc, j'ai découvert un kiosque qui s'appelle Queue de Poney. Oh! Okay. Donc, vraiment, tout de suite, le nom m'a interpellé. Queue de Poney, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire goûter là? Sauf que ça parle de queue, tout est... Oui! Oui, mais c'est ça, j'ai figé. Et puis, écoute, là, j'ai quand même trouvé le concept assez le fun. C'est, dans le fond, ils disent de préserver les castors. Comme donc, les queues de castor, le dessert. Et de manger une queue de poney plutôt qu'une queue de castor. Mais tu n'as pas mangé. Non, j'en ai pas mangé. J'étais pas rendu là dans mon étape de manger du sucré. Ouais, culinaire. Là, j'avais pas trop envie de sucré, je te dirais, cette soirée-là. J'avais envie plutôt de me réchauffer. Là, j'avais froid. Donc, je suis allé plutôt pour un roll dog. Ah, miam! Donc, Mathieu, tu connaissais le roll dog, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, la meilleure façon de le décrire, je pense, c'est comme tu as dit. Un pogo, mais dans une gaufre. Dans une gaufre. Donc, vraiment, c'est une saucisse qu'on enfile dans un bâton. Un bâton plus rond, à place d'être plat. Oui, oui, c'est la marque de commerce. Exactement. T'as tout à fait raison. Puis oui. Après ça, c'est pratique pour s'enlever les petites gizouines nanas. Oui. Mais toi, en plus, il y avait laissé de la croûte tous les côtés. D'habitude, ouais. Un roll dog, des fois, ça va être choppé. Là. Non, moi, il y avait de la bonne croûte. Le genre de mélange entre pâte à gaufre et pâte à crêpe. C'est génial. Puisque c'est pas gonflé comme une pâte à gaufre. Non. Et tu manges pas nécessairement ça avec du ketchup ou de la moutarde. Mais tu peux. Oui, moi, je l'ai mangé avec du ketchup. Ça fait un petit mélange sucré-salé puisque la pâte est sucrée. Mais somme toute, c'était vraiment délicieux. C'était vraiment très bon. Donc, j'ai adoré ça. Ça doit. Il faudrait mettre du sirop de poteau là-dessus. Oh, et j'aurais tellement aimé ça, mais il n'y en avait pas. Puis c'est salissant, tu manges ça en te promenant. Puis, et puis voilà. Et puis j'ai gagné. un toutou. Excusez, non. Non. J'ai pris un chapeau de cowboy. Oh, wow. Mais ce chapeau de cowboy, je me suis fait dire dans la rue que j'avais un chapeau de cowboy de danseuse. Ah, oui, puisque. C'est pas de refus. Oui, ben il est tout noir, puis il y a des brillants dessus. Mais comme. C'est pas des brillants comme des diamants, pas c'est juste glitter. Comme un noir un peu plus brillant, un peu plus shiny, ouais. Genre glossy. Okay. Donc voilà, j'ai ça, peut-être que je l'apporterai au bureau. T'as gagné ça à quoi, mettons au pistolet à eau. Oh, wow! Ouais, il faut que tu vises le trou, là. Oui. C'est tout le temps arrangé, ces jeux-là. Les chances que tu gagnes sont très minces, mais il faut qu'il y en ait un qui gagne une fois de temps. Ouais, voilà. Et ouais. Encore très difficile. Donc, le Festival Western de Saint-Tite qui a lieu du 6 au 15 septembre. Donc, ça continue pour jusqu'à la fin de semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Donc, je sais qu'hier, c'était la grande parade. Et oui, ben, c'est ça. Donc, beaucoup de chants, beaucoup de chansonniers. J'ai pu me laisser aller dans la danse en ligne. Une fois. Ça, c'est tu te connectes sur ton modèle 56 bits. Oui, exactement. Dans en ligne. Dans en ligne. Donc, 99 à minute. Mais c'est quand même très le fun. Là. On a dansé avec des gens un peu plus âgés, un peu plus jeunes. Donc, c'était sympathique. Voilà. Génial. Merci, Jean-Philippe. Ouais, et on ajoute ça dans ta agenda pour l'année prochaine. Ou la fin de semaine prochaine. Oui, c'est ça. Puis tu peux facilement, si tu as envie de sortir ton cheval, là, c'est le moment. Pour une fois qu'il y a quelque chose, une activité qui est ben oui. C'est des chevaux. Ben oui, ben c'est ça. Puis quand tu rentres dans la ville, c'est le fun parce que des fois, tu sais, t'es habitué à, mettons, rue Piétonnière. Là, c'est marqué interdiction de se promener à cheval. Donc, t'as le cavalier, tu sais, vraiment avec une barre rouge, l'interdiction de. Il faut qu'il se lève et qu'il marche à côté de son cheval. Oui, c'est ça. Ou qu'il donne au palefrenier. Ah. J'ai bloqué palefrenier. Wow. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais compris. Voilà. Donc, tu sais, on peut pas jouer des artistes qui étaient trop présents au Festival Western parce que c'est pas nécessairement notre genre musical. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'écouter du New Country, style saveur québécoise. C'est ça, boss. Donc, voici Lisa Leblanc. Et je suis pas un cowboy, hein. Je suis pas un cowboy, hein, et pédaille. Puis, je suis pas. Pour l'intention de prétendre que j'en suis un. Pourquoi que quand tu tapes « Je suis pas un cowboy », il te sort « Je t'écris une chanson d'amour ». C'est clairement pas ce que je veux. C'est celle-là que je veux ici. C'est peut-être ça que je pensais, par exemple. Je suis pas un cowboy, mais j'aime ça. Prétendre que je suis. C'est un assemblage requis. J'ai pogné à Saint-Tite. c'est pas du pâté chinois. Toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me tremble. Je me demande pourquoi je t'ai guidé. Nuit après nuit, je suis triste. Nuit après nuit, je m'ennuie. Jour après jour, sur la route, tu ne peux pas savoir quand je t'aimerai. Un jour quand mes voyages ont repris feu et qu'au fond de moi j'aurais trouvé cette paix dont je sentais le besoin, à ce moment je pourrais m'arrêter. Nuit après nuit je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir quand je vais t'aimer. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir quand je t'ai. Ouais, le temps de descendre de mon cheval pour vous dire que c'était Willy Lamotte avec Mille après Mille. Tu trouves pas que mon hi-ha, il a plus ça d'un angle. Ouais, vraiment. Ça t'a mangé à queue de poney. Queue de poney. Ouais, queue de poney. Callback. Callback. Donc, Willy Lamotte, c'est rare qu'on entend ça à son âge requis, mais c'était notre petit bloc New Country Western Style. Ouais, pour The Festival of Saint-Titties. Saint-Titties. 6 au 15 septembre, ça continue jusqu'à dimanche qui s'en vient. Ouais, puis si vous avez la chance pour le vrai. Puis vous avez jamais vécu ça. Moi, je vous le recommande fortement. C'est vraiment quelque chose. Comme je l'expliquais tantôt, là, je trouve qu'on vit pas souvent. Ouais. C'est comme un peu trash comme le Woodstock, mais vraiment cool. C'est pour sortir de vos habitudes. Ouais, ouais, vraiment. Pour ceux qui se demandent, avant ça, dans le bloc country, on a entendu Canaille avec Bien-être. Oui, et on a également entendu Lisa Leblanc avec Je suis pas un cowboy. Ça prétend. Ouais. Tiens, on va continuer tout de suite en musique avec deux pouilles en cavale. Oui. Pas deux poules. Non. Ça serait ailleurs. Ouais. Mais avant ça, est-ce qu'on fait tirer un autre dictionnaire? Ah, moi, je suis game. Ouais. Donc, ça, un peu plus tôt, pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, on a eu une entrevue avec la porte-parole du Petit Robert 2014. Madame Driveau. Oui, tout à fait, avec Mathieu, qui l'a reçu en entrevue un peu plus tôt dans le mois. Donc, écoutez, on a des Petits Robert 2014 à faire tirer. C'est quand même une valeur de trois quarts. Trois quarts, yes! C'est ça. Donc, 819-376-5183 pour gagner un dictionnaire Le Petit Robert 2014. On entend vos appels pendant qu'on écoute Deux Pouilles en cavale. Voici Courir nu. Et c'est fou! Oui, puis c'est 376-5183. 3, 5, 6, je dis. On félicite Bastien Champagne, qui vient de gagner un dictionnaire Le Petit Robert 2014. Mmh. Et on a un autre à faire tirer tantôt. Oui, dans la dernière demi-heure. Oui, restez là, une autre demi-heure d'Assemblage Requis s'en vient. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage Requis avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Tu sais que Mimi Van Der Glo, formation locale, ben c'est excellent. Oui. Et qu'on entend la pièce, mais ça dans ta pipe assez fréquemment. Ouais. Donc, si je te donne des noms de chansons, est-ce que tu veux en choisir une autre? OK. Donc, t'as Plus je crie, Accident de char entier, Dessaisir de tout, Revenez au début, Un mille de plus et C'est mis tout croche. C'est mis tout croche. C'est mis tout croche, la chanson titre de l'album. Donc, voici Mimi Van Der Glo sur C'est fou. C'est mis tout croche, se laisse faire. Un couple valse sur la glace noire. En attendant l'hiver, s'aimer tout croche et se laisser faire. J't'en train de casser nos rêves, je le sais. Combien ça fait mal. J'ai tellement peur. J'ai peur de tomber dans un bâton. J'ai se laisser faire, étalé au seuil de la misère. Un soir de première neige. Ça me fait tellement peur. Jamais m'arrête. tourner en rond. J'aimerais m'arrêter de tourner en rond. J'aimerais m'arrêter de tourner en rond. La chanson titre de l'album Semi tout croche par Mimi Van Der Glo à Assemblage requis. Petite chanson douce. Bah oui. C'était, le, j'aime le beat. C'est moins rock que Mimi Van Der Glo d'habitude, mais ouais. Ils ont un grand éventail de musique. Ouais, quand même. Dans deux minutes, les instructions d'assemblage. Oui, mais juste avant, on va aller écouter Femme avec le couleur. 89 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Femme qu'on vient d'entendre avec le couleur. Tu vois, c'est ça qu'on offre de plus à C'est fou, c'est qu'on chante à la fin des chansons. C'est ça qui va nous rendre vraiment oui. populaire. Tu sur comprends? Le top. On the top. Oui. Comme les petits sprinkles. Oh! Mais tu sais, moi, un peu comme mon arrosoir de gazon. Un arrosoir de gazon, c'est un sprinkler. Mm-hmm. Je vais vous sprinkler des informations pour mieux vivre votre vie. Ah oh, oui! Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Comment ça, ça marche pas? Espèce de taouin! Ah oui, c'était simple. Écoute-nous, écoute-nous. Donc, tiens, c'est la chronique de trucs et astuces, les instructions d'assemblage, oui. Où on vous aide à régler les problèmes que vous avez fréquemment dans votre vie. Oui, bon. Commençons avec les lave-auto. Et là, tu me diras si tu y crois ou non, parce qu'évidemment, moi, j'ai pas de voiture, je peux pas le tester. Parfait. Ça dit que la plupart des lave-auto ont ce qu'on appelle une politique rain check. Un peu comme dans les magasins, tu peux prendre un petit bon différé. Ben apparemment que s'il pleut à l'intérieur de 48 heures de ta dernière visite, tu peux faire relaver ta voiture gratuitement. Ouais. Qu'on nous dit ici. Moi, je savais que... Et j'ai déjà fait ça. Mon auto était vraiment très sale. Et puis, je suis allé dans un lave-auto. Je l'ai fait une fois. Je suis retourné voir le gars. J'ai dit, eh ben, propre, propre, propre. Encore. Puis, ils m'ont fait un double. Gratuitement. Génial. Tu vois, donc ça peut fonctionner si on essaie. Mais 48 heures, je sais pas. J'ai jamais été. Ça a l'air un petit peu douteux. Ouais. Pour enlever le résidu de votre pomme de douche, hein, t'as qu'à attacher un sac de plastique avec du vinaigre à l'intérieur autour de ta pomme de douche. Tu laisses-le pendant la nuit et ça va nettoyer tout sans aucun travail. Tu sais, à la place de passer ça dans le CLR, sortir ta pomme de douche, le mettre dans un seau. Trop de job. Ben ouais. Un baggy. Petit sac de plastique. Oui, ou si tu connais un rapper, un petit baggy pants. Oui. Des pantalons qui tombent. Ça doit pas marcher, ça. Ensuite, tiens, une bouteille de pilule. T'arrives le matin, moi j'ai des allergies, je prends une réactive extra fort tous les matins. Oui. Okay. Je me rappelle des fois pas si je l'ai pris ou pas. Mm-hmm. Voilà. Donc, ça peut arriver. Ça arrive souvent. Un petit conseil, à la place de vous prendre un petit pilulier, là, tu sais, avec les jours de la semaine, ce qui peut être utile aussi, mais à la place, revirez la bouteille de bord pour savoir que vous les avez déjà pris. Voilà. C'est une très bonne idée. À faire attention de ne pas les échapper. Ben oui. Comme de te faire tomber. Fermer le petit couvercle. Oui, oui, oui. S'il vous plaît. Oui. T'sais? Ouais. Ouais. Sinon, ensuite, prochain truc et astuce. Si vous détestez attendre chez le docteur. Oui. C'est souvent le cas. Les docteurs qui ont un aura... C'est pas comme l'urgence. On parle d'un vrai médecin, le podiatre, le chiropraticien. Donc, mettez votre rendez-vous soit à 8 heures le matin... ou à 13h. Donc, vous allez être le premier rendez-vous du matin ou de l'après-midi. C'est sûr que vous allez passer en premier. Mm-hmm. Si vous êtes en premier de la journée, il va y avoir des délais. Ça va être repoussé d'une demi-heure. Les urgences qui rentrent, peut-être. Ouais. Donc, tu n'auras pas le choix de passer en premier. Moi, je trouve que c'est fantastique. Ouais. Un autre conseil, tu manges du spaghetti. Oui. Et j'ai t'as mon chandail blanc. T'as ton chandail blanc. Tu sais pas manger, comme moi. Oui. Ouais. Donc, tes spaghettis dans une petite boîte de carton, des fois, bon, la boîte de carton s'ouvre, ça tombe à terre. Tu sais, des fois, c'est juste une petite languette de carton, c'est pas le fun. Prends un plat de Pringles. C'est assez haut, tu mets tes spaghettis dedans, ton couvert de plastique tient bien. Wow! Ça change ta vie. Et tu mets même l'équivalent de quasiment 2 paquets dans ta boîte de Pringles. Oui, tout à fait. Et t'as moins à te faire casser le biscuit. Oui. À te casser le spaghetti. Ah oui, c'est bon ça. Tu casses le spaghetti, genre. Si tu veux prendre une petite sieste dans le métro et que t'as peur de te faire voler ton sac ou ta sacoche, peu importe. Ouais. En fait, je pense que je l'ai déjà fait celui-là. Non, moi, j'ai... C'est pas grave, je te dis pas. Ouais. Rentre ta poignée de sac dans ton à ta cheville. Ah ben oui. Je l'avais en effet déjà fait, je m'en rappelle. J'avais même mimé, comme je viens de faire là, de mettre le sac à ma cheville. Bref. Quand tu déménages, tiens, mets des articles lourds comme des livres dans une valise qui roule, tu sais, une valise à roulettes. Oui. Les boîtes, c'est lourd, tu sais, ça a tendance à déchirer quand c'est trop lourd, alors qu'une valise est faite pour ça. Pour ça. Pour ça. Ensuite, ah voilà. Passer. Ah, ça, c'est un évident. Il y en a des évidents comme ça, là, mais quand tu bois une liqueur, les restaurants, des fois, vont le faire. C'est de passer la paille dans le petit truc que t'enlèves de ta canette. Là. Oui. Donc, à la place de l'enlever complètement... Ah, oui, la pinouche. Tu twists la pinouche par en avant, tu mets ta paille dedans et ta paille va pas monter dans les airs. Oui, puis tu risques pas de la perdre. Puis après ça, ce qui est bien important, c'est de garder les pinouches. Et les donner à Jean-Philippe aux soins de C'est fou 89.1 FM. Exact. 31, 33, 51, non, je sais. Boulevard des Forges, je crois. Après ça, je donne à M. Gaston Gué. Gaston Gué. Pas oui. Gaston Gué. Non, c'est mon nez qui a fourli flou. Est-ce que tu connais M. Gaston Gué? Ça pourrait être un nom, ça aussi. Non, je connais pas. Bon. Ensuite, tiens, si t'es étonné d'avoir... c'est fantastique comme conseil ici. Si vous êtes étonné d'avoir une boîte remplie de fils électriques, tu sais, souvent dans mon garde-robe, je vais avoir une grosse boîte de carton avec un paquet de fils à l'intérieur et c'est tout pêle-mêle. Oui, un peu comme j'ai dans mon bureau. Un peu comme on a chacun dans notre bureau. Oui. Un peu comme on avait à tâche quand on fasse le ménage. Oui. Donc, si vous êtes étonné d'avoir une boîte comme ça de fils, mettez dans votre boîte des rouleaux de papier essuie-tout. Debout et assez pour remplir la boîte au complet. Et vous allez pouvoir insérer les fils dedans. Dans l'essai. Oh oui. C'est pas génial ça. Ça, c'est le fun. Fantastique. Ensuite, tiens, si vous éteignez accidentellement votre ordinateur. Oui, voilà. C'est ça. Quand vous avez accidentellement appuyé sur le bouton éteindre ou fermer votre ordinateur. Ça. Oui. Bon. Ça arrive des fois. Tu sais, tu veux juste le mettre en veille. T'es pressé. T'es là. Vite, je vais le mettre en veille. Toc, tu t'arrêtes dessus. Oh non. Voici ta solution. Crée un fichier .bat. Donc, tu vas dans bloc-notes dans Windows. Oui. Et tu inscris la fonction que j'ai postée sur assemblagerequis.com et qui est beaucoup trop petite pour que je puisse. Ah non, c'est pas si pire que ça. T'as un peu. C'est shutdown, espace trait d'union A. Et sur l'autre ligne, pause. Évidemment, c'est sur le site assemblagerequis.com. Mais si vous le sauvegardez en tant que, mettons, empêcher le shutdown de l'ordinateur.bat, quand tu vas cliquer dessus, après avoir fait éteindre accidentellement, ça va annuler le shutdown. OK. Annuler le shutdown. Ouais. Le A pour annuler. C'est pas pour ça partout, mais pensez-y comme ça. Donc, shutdown, espace, réunion A, autre ligne, pause. Bref. Si vous avez besoin de dire, de raconter un mensonge, mais d'être crédible... Et incluez un détail qui vous gêne, un détail embarrassant, parce que personne ne va douter de ton histoire s'il y a un détail qui te rend gêne. Parce que tu ne voudrais pas être embarrassé. Et voilà. Mm-hmm. Tu t'auto-embarrasse. J'auto-embarrasserai. Petit peu de base, je t'auto-embarrasserai. Je suis pas capable. J'essaie de sauter ce que j'ai déjà fait. Okay. Pour ne jamais perdre ses manettes, ses télécommandes. Moi, je faisais ça quand j'étais jeune. Je me rappelle, il y avait du velcro partout dans la maison parce que j'avais installé des velcro sur les barres de table et de bureau. Mm-hmm. Et tu peux mettre l'autre côté sur la manette et fouink, fouink. Fouink. D'ailleurs, moi, en parlant de manettes, j'ai perdu une télécommande. OK, laquelle? Celle du récepteur audio. Ah! Puis celle qui contrôle le volume. Faut que tout le temps tu te lèves et que tu tournes en avant. Non, au moins, non, c'est ça, puisque mon récepteur est la même marque que ma télé. Okay. Donc ça marche, le volume, au moins. Une chance. Sauf que, elle a vraiment disparu, puisque j'ai déménagé depuis, puis on l'a jamais retrouvée. Elle est sûrement tombée à terre quelque part, et maudit. Mais non, c'est ça, puisque l'appartement a été vidé, puis elle était pas là. Triste. Puis toutes nos boîtes sont défaites, puis elle est toujours pas là. Je m'ennuie. Ton chat a mangé? Oui. Si jamais vous la retrouvez. 819. Pour manger des Oreos. Tu sais, des Oreos, c'est le fun, mais ça salit les mains. Ouais. Difficile, là, moi. Après ça, t'es sur ton clavier Mac. Là, tellement. C'est tout crémeux sur mon clavier. Oui. Maudit. Donc, plantez votre fourchette dans la crème. Oui. Pour pouvoir dunker dans votre lait. Il y a un gadget pour ça qui se vend sur Internet, qui est une petite fourche, genre pour comme pour le foin, là, qui fait la même chose, mais une fourchette, ça fait une la fourchette, job. Puis, dans le fond, tu pourrais même avoir ta fourchette à Oreo. Puis, tu sais, t'appuies sur une fourchette que tu n'utilises plus, mettons, pour mettre les dents droites. Oui. Voilà. Oui. Oh, wow. Ah. C'est génial. On est complémentaires. Oh, on se complète à merveille. Ensuite de ça... Ah, ça, c'est sympathique quand même. Au Canada, ça marchera peut-être pas, mais convertissez le numéro de téléphone, OK? Donc, mesdames, si vous êtes au bar et qu'il y a un gars, tu sais, vous êtes au bar, vous êtes un gars, vous êtes une fille, peu importe, vous êtes d'un sexe plus ou moins opposé ou égal, vous savez ce que je veux dire. Donc, quelqu'un vous demande votre numéro de téléphone, mais vous voulez pas lui donner. Donc, à la place de dire non ou de lui donner un faux numéro, donnez-lui le vrai numéro de, mettons, la Croix-Rouge. Comme aux États-Unis, ce serait le 90999 et ça va donner de l'argent, 10$ pour les ouragans, les victimes des ouragans. Wow! Faites ça, c'est cool. Fun, ça. Évidemment, trouver un numéro qui a 7 chiffres serait peut-être plus crédible, je trouve. Mais bon. Oui, c'est un nouveau code régional. Mais tu sais, des fois, la personne va vous passer son téléphone pour que vous entriez vous-même le numéro. Oui. Donc, à la place de faire le numéro, vous vous envoyez par message texte à la Croix-Rouge, puis vous lui redonnez. Puis oui, j'ai mis le numéro, je m'appelle Sandra. Ouais, ou tu mets le numéro d'un de tes amis. Ça, c'est drôle, ça. Non, c'est pas fin, ça. Mauvais conseil, écoutez-le pas. Là. Oh. Ensuite, ça c'est intéressant, garder un morceau de carton solide, dans un sac Ziploc, dans votre sacoche, votre sac à dos, peu importe, votre sac d'ordinateur, et quand vous allez avoir besoin de transporter, mettons, un chèque, vous allez pouvoir le mettre dans le Ziploc et il va rester. Ah, comme ça, t'arrives pas à la banque, puis il est tout froissé, puis tu fais comme... Tu vois? Ouais. Ça pourrait être aussi la signature d'une vedette, quelque chose comme ça. Oui. Donc tout le temps, un morceau de carton dans un sac Ziploc. Ma main. Puisque j'ai serré la main d'une vedette. Pour pouvoir garder l'ordre pour demain aussi. Oui. utilisez une épingle à linge pour tenir un clou pendant que vous voulez le clouer et pas vous faire mal aux doigts. Donc, tu sais, vous tenez là. C'est du génie tout ça. Wow. Je trouvais ingénieux IKEA qui te donne son petit truc, là. C'est comme une pince à linge, mais exprès avec les bonnes dimensions pour clouer les derrières de commode. Ah ouais? Ouais, sauf que... Sauf que je trouve pas ça bien pratique. Mais bon, c'est bien. Casse-toi un pouce d'abord. Voilà. Casse-toi un pouce. Tiens, pour ne pas se brûler, un peu le même genre de truc, pour pas se faire mal aux mains, pour ne pas vous brûler alors que vous voulez rallumer une chandelle. Tu sais, une chandelle qui est dans un pot plus profond. Bon. Utilisez un bâton de spaghetti. Vous mettez le feu après. Tout simplement. Et maudit. Il y en a qui prennent leur petit briquet de barbecue aussi, ça peut faire la job. Ouais. Ah, c'est bon ça. Pour refroidir votre tête, on sait que ça aide pour les gens qui souffrent d'insomnie. Mm-hmm. Donc, si vous pouvez pas dormir, utilisez un ice pack dans un t-shirt pour vous refroidir. Un ice pack enveloppé dans un t-shirt sur la tête. Tu mets ça à la tête. C'est cute. T'as l'air pas fou pantoute. Mais en même temps, t'es dans ton lit. C'est exact. Ah. Celui-là, je pense que j'ai déjà fait, mais des fois, je suis pas sûr. Je vous le répète juste au cas où. La meilleure place pour cacher de l'argent, c'est en dessous d'un coffre-fort. Parce que le voleur va aller voir ça. C'est quand même sympa. Ouais. Si vous êtes à l'école, vous avez eu la punition de devoir retranscrire une phrase 100 fois au primaire. Mm-hmm. C'était souvent ce que le professeur, l'enseignant faisait. Ouais. On vous suggère juste de prendre deux crayons et de les coller ensemble avec du tape ou des élastiques. Wow. Ça fait deux lignes à la fois. Pourquoi pas? Ben, tu viens diviser par deux. Ah! Ouais. Et voilà! Ou voilà. Tu donnes de l'argent à un de tes amis pour qu'il fasse à ta place. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Lorsque vous commandez quelque chose par téléphone, demandez à la personne son nom au complet. Comme ça, il va moins faire d'erreurs parce qu'il va faire plus attention, sachant que tu vas peut-être le rapporter. Ouais. C'est pour ça qu'au début, ils disent tout le temps leur nom. Salut, monsieur. Je sais pas. Parce que là, il s'est déjà présenté, mais t'as rien compris. Là. Comme salut, monsieur. Puis là, t'es comme oui, c'est ça. Gaston Gay. Gaston Gay. Ouais, ça, je sais pas. Il y en a que je comprends pas trop le principe, mais c'est pas grave. C'est écrit trop petit. Oh. On se pose d'écran. Des fois, il y a des images qui sont trop petites. Ouais. Tiens, ça, j'adore ça ici, de garder un panier pour mettre les ustensiles. Oui. Tu sais, des fois, dans le tiroir, tu vas avoir un panier ustensile en rotin ou en métal, peu importe. Utilisez-le à la place, comme sur une petite table à l'entrée. Tu sais, des fois, moi, j'ai tout un vide-poche. Un vide-poche. Moi, j'ai tout un vide-poche chez nous. Ici, par contre, il est divisé en sections parce que c'est un rack à ustensiles. Tu pourras avoir tes clés dans un, téléphone dans l'autre, portefeuille et lunettes de soleil. Comme ça, tu prends la catégorie que tu veux. Waouh! Bonne idée. Oui. Chose à ustensile. C'est drôle que tu parles de ça, parce que je viens de m'en acheter un. Un rack à ustensile? Oui. J'étais chez Costco, puis il était en bambou. Il est beau. Oh, en bambou. Puis c'est le fun, parce qu'il s'agrandit. Fait qu'il peut prendre genre vraiment la largeur de ton tiroir. Escamotable. Oui. C'est décapotable. Un rack à ustensile décapotable. Wow. T'as souvent, j'imagine comme moi, eu de la misère à enlever tes clés de ton porte-clés, tu sais, la petite anneau. Oui, là. Tout le monde a ça. On déteste ça. Utilisez un truc pour enlever les agrafes, une désagrafeuse, pour ouvrir la bouche de ton porte-clés. Wow. Oui, ça, c'est bien pensé. Ça se fait très, très bien. Si vous faites des recettes, des repas dans la cuisine et que vous n'avez pas de choses pour tenir votre livre de recettes, utilisez un porte-pantalon. Tu sais, quand t'achètes des pantalons, le support, là, à pantalon, bon, oui. On peut se procurer ça, utiliser ça pour snapper. Ça va tenir. Ouais. Mais tu sais, celui qui a une languette de métal que tu peux retirer et remettre, là, ça tient encore mieux. Okay. Bon. Bref, on comprend. Utilisez un rasoir jetable pour enlever la mousse de vos chandails. Ah ben oui. Ah oui. Ben peut-être un vieux qui est plus nécessairement tout à fait coupant pour pas trop abîmer. Là. Abîmer le chandail. J'ai déjà fait ça, tu sais, ils vendent des petites machines là, qui coupent la mousse. Là. Oui. Puis tu sais, la lame était tellement affûtée, ça a tout troué mon chandail. C'était pas futé ça. Non, c'était vraiment pas futé. C'était pas futé, pardon. Quelle erreur. Quand tu pars de chez toi, ceux qui sont obsessifs compulsifs, on oublie tout le temps si on a barré la porte ou pas. Si on a, t'sais. Donc, pour t'en rappeler, quand tu barres la porte, fais quelque chose d'inhabituel à chaque fois. Comme par exemple, tu barres la porte, tu ouvres la boîte aux lettres. Tu barres la porte, tu touches au conteneur à vidange. Tu sors ton purée, tu te laves les mains comme je dis. Ouais. Donc, pour te rappeler que tu as barré la porte, ça, c'est plus pour que, comme mettons, tu vas quelque chose d'inhabituel, tu t'en vas, mettons, à l'aéroport ou je sais pas trop quoi, puis tu vas penser juste à ça. T'sais. Peut-être que quand tu vas travailler, tu sais, tu l'as barré, je sais pas, la routine est là. Mais bref, fais quelque chose d'inhabituel. Ah tiens, quand tu vas aux toilettes au travail, il y en a qui sont gênés d'aller aux toilettes au travail à cause de l'odeur. Il y en a qui n'aiment pas toucher aux germes du siège de toilette. Uh-huh. Moi, c'est plus le conseil ici pour les germes, les bactéries sur la toilette, sur la cuvette. La cuvette. Utilisez des bas, des vieux bas, et insérez le bas sur chaque côté de la comment t'appelles ça, du couvert. C'est réconfortant. C'est des bons bas de laine. Là. C'est ça. Wow. Tu sais, puis après ça, tu fais quoi avec tes bas? tes laves. Ouais, tu hein? rentres chez vous. Ça fait une routine de plus, laver tes bas. Oui. Laver tes bas de toilette. Si vous voulez, tiens, mettre de l'eau dans un seau, mais vous n'avez pas le truc qu'on peut tirer la pomme de lavabo à ouais. tirer, là, ou votre lavabo est pas assez... chose qui arrive quand même assez souvent. Là. Moi, je trouve que oui. Utilisez un truc pour un porte-poussière. J'abuse du mot « truc » quand je ne sais pas mes mots. Hein, donc, utilisez un porte-poussière dans le lavabo de la salle de bain et le manche va servir à aller jusque dans le seau. Donc, dans le fond, l'eau va passer du... jusque dans le manche. Ça, c'est le fun. Ça. C'est ingénieux, ouais. je dirais même. Celui-là, tiens, c'est quoi ça? Ah oui, j'adore ça. Prenez, mettons, vous avez un sac de macaroni ou n'importe quoi, comme ça, et vous avez aussi une bouteille d'eau vide. Avec un couteau, coupez le haut de la bouteille d'eau pour avoir seulement le goulot et un petit peu du restant, et passez ça dans votre sac de macaroni pour que le... Oui, c'est ça, c'est pas génial, ça. Et après ça, vous pouvez utiliser le bouchon pour refermer votre sac de macaroni. Ben oui. Encore une fois, du génie. Du génie. Du génie. Est-ce qu'il nous en reste encore? Je crois que oui. Si vous avez... Ah, ça, j'aime ça, ça. Prenez un blé d'Inde neuf, vert, avec sa peau, OK? Ensuite, passez-le au micro-ondes pendant 4 minutes. Coupez le bout opposé à celui où on ouvre. Et ensuite, squeezez le maïs. Il va sortir, il n'y aura pas de poils. Et vous allez pouvoir le manger directement. Ben vous non. faites cuire avec... voyons, j'ai fermé l'image. Là. Mais vous prenez donc avec la pelure, passez au micro-ondes, ensuite coupez et squeezez. Impressionnant. Impressionnant, ça fonctionne, nous dit-on. Combien de temps, un micro-ondes? 4 minutes. 4 minutes. Je sais pas si ça cuit ton blé d'Inde aussi. C'est ça, tu peux le manger directement après. Directement. C'est le fun. Si vous avez des rouleaux de papier de Noël, mettons. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps difficile de trouver, je sais pas, des élastiques ou peut-être un petit morceau de papier collant qui va défaire le rebord. Oui. C'est vraiment pas le fun. Utilisez un truc à essuie-tout, un tuyau, comment t'appelles ça? Le bout de carton. Le bout de carton. Ouais, soit de papier de toilette ou de papier essuie-tout. Coupez une fente au milieu et insérez votre rouleau dedans. Puis après ça, c'est lui que tu mets du papier collant? Oui, ou encore juste rien, ça va juste tenir, étant donné que le carton est quand même assez solide. Wow. Ouais, ça serait vrai que c'est le fun parce que t'en gaspilles. Après ça, tu veux que ça soit bien droit, t'sais, pour que ça soit beau. T'sais, moi. C'est parfait. Puis en plus, c'est bientôt les fêtes. Aussi. Moi, tu vois mes. Hey, j'allais ouais. chez Costco en fin de semaine. Ouais. Ils ont sorti les cadeaux de Noël, tout là. Les sapins, les boules. On est à mi-septembre. Ouais. Puis il y a juste un petit rack pour les bonbons d'Halloween. Ouais. Mais Noël, ça s'en vient. T'sais, je peux comprendre pour les décorations, mettons, pour les gens qui décorent leur maison complète, il faut des mois d'avance pour se préparer, mais les cadeaux de Noël, pas sûr. Ben, c'est ça, c'est les lumières, les sapins. Ouais. Pas sûr. C'est les baleines de neige. Tu sais, pour laver des vitres du Windex, c'est bien le fun. Ouais. Mais utiliser un filtre à café pour nettoyer sans que ça fasse de traces. Ah, ouais, t'es sérieux? Ouais, un filtre à café. J'adore ce truc-là. Encore une fois, le support, le cintre à pantalon. Détacher les petites pinces qu'il y a sur les côtés, des fois sont détachables du support. Utilisez-les comme pinces pour un sac de chips. Tout simplement. Tout simplement. Mettre du vinaigre sur la vitre de ta voiture, ça va empêcher la neige d'y coller. Ah. Du vinaigre. Bah, tu vois, on parle de Noël. Et voilà. Ben tiens, pour ceux qui veulent décorer, peut-être pas pour Noël, peut-être pour l'Halloween qui s'en vient, je pense que ça pourrait déjà être pas si pire. De peinturer les petites roches que vous avez dans votre entrée, vous pouvez les peinturer avec une lumière, avec une peinture qui brille dans le noir. Mm-hmm. Ça va faire un petit chemin de lumière. Ah, c'est le fun. C'est cute. Ouais, c'est cute. Si vous avez quelque chose dans l'œil, on va terminer bientôt. Si vous avez quelque chose dans l'œil, remplissez un bol d'eau et mettez votre face, ouvrez vos yeux dans l'eau et ça va sortir tout de suite. Parfait. Parfait. Utilisez une petite voiture téléguidée avec un... comment t'appelles ça? Le balai... Swiffer. Le Swiffer. Oh. Branchez le Swiffer après votre voiture, tapez-le et faites... c'est un bon truc. Ça, c'est nul. Coller des cartons de couleur sur votre fan pour faire une fan en arc-en-ciel. Ouais, bon. On s'en fout un peu. Installer une tablette au-dessus des portes à la place de sur le mur pour ranger les affaires que t'as pas besoin souvent. Évidemment, mm-hmm. ça va ramasser la poussière. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une place inutilisée, les hautes portes. On s'en sert pas, faut rentabiliser sa maison. Faire l'ultime sandwich, tiens, prenez une tranche de pain, coupez un carré dedans pour en avoir que la croûte, faites cuire un œuf dedans, ensuite rajoutez du jambon, du fromage et remettez la retaille que vous avez coupée par-dessus. Ça va faire le sandwich ultime. Ultime. The ultimate sandwich. Pour vrai, c'est génial. Ouais. J'adore l'idée. Et puis, tiens, ceux qui veulent boire entre amis, et qui veulent, dans le fond, rajouter un petit kick de plus. Ouais. Jouer à la roulette du shooter. Donc, vous remplissez des shooters autour de la table et vous faites tourner une bouteille comme tourne la bouteille. Ah, ben oui. Ça atterrit sur le drink. Tout simplement. Ben, j'ai vu chez Stokes, il y a un petit truc à shooter. C'est comme une roulette de casino. Ben oui, une vraie là, avec la bille. C'est vraiment ça. Donc, c'est un peu le même principe, mais gratuit. T'sais. Ben, pas gratuit parce que l'alcool coûte cher. En tout cas. Et pour te... OK, dernier, il faut arrêter à un moment donné. Ouvrez un sac de chips d'en bas, un peu comme on l'a fait pour les céréales dans une précédente chronique. Donc, ouvrez le sac de croustilles à l'envers parce que la saveur. Ben oui. Oh, oui. Génial. C'est assez, ça. Sauf les natures. Sauf les natures. C'est vrai, ça. Ouais. Donc, voilà pour les instructions d'assemblage. Sais-tu qu'on termine ça? Truc et astuce. Nous voici bien renseignés. Tout à fait. Ben, tu sais, je pense qu'on va terminer l'émission ici aussi. Tant qu'à faire, on va se dire au revoir jusqu'à demain entre 6h30 oui, et 9h30 en direct à partir de 7h30. On remercie qui est passé nous voir aujourd'hui? Nobody. Personne. Ben oui, docteur Gilbert. Oui, Pierre Gilbert de son prénom. Oui, aussi dictionnaire. Oui, ça c'était Madame Driveau. Oui, pour le petit Robert 2014. Donc, personne en direct, mais on a eu quand même du plaisir. On a réussi à remplir nos 2 heures. Oui, monsieur, comme des grands. Reste à l'écoute pour le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Ensuite de ça, en après-midi, les lundis, on retrouve à 17h la reprise des palmarès. C'est fou, édition Nouchite, c'est l'édition donc des nouvelles entrées. Ensuite de ça, à 19h, c'est il n'y a rien. Jusqu'à 20h, rock de neurones. C'est le début de la saison, tout commence à des dates ultérieures. Voilà. C'est encore le début de la session. Donc, c'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balades aux diffusions. Bonne journée, Jean-Philippe. Hey, bonne journée, Mathieu. À demain matin. À demain. Ouais. En espérant que j'ai plus de voix. Et Colin, prends soin de ta gorge, mon frère. On se quitte avec Summer Lovin' parce que vraiment, aujourd'hui, on peut dire que l'été, on l'a bien aimé. Oui. Par moment. Quand tu faisais chaud. Clairement. Pantalon, première fois. Pantalon. Pantalon, Pantalon. Hi.